Toru n'existait que dans le faisceau des phares. L'asphalte brillait, nous n'existions qu'à travers des mots qui rebondissaient de l'un à l'autre, qu'à travers des mots, des farandoles de peine qui tout de suite et encore courent inlassablement. Plus loin là-bas, des usines s'asphyxient, des muscles s'atrophient, des gestes vains ne trouvent plus d'amour. Des yeux pneumatiques se gonflent et se dégonflent auprès des saisons qui égrènent les jours comme le vent. Chaque les gouttes sur le toit, j'aimais souffler la nuit à l'aurore, et je ne veux plus. Et je ne veux plus.